bien sûr. J'ai l'impression que les Algériens, ils étaient presque étrangers dans leur propre pays, je veux dire. Exactement. Voilà, je voulais arriver à le dire, ça. Voilà. Je ne voulais pas vous le dire de suite parce que je l'ai compris maintenant. Oui. Je l'ai compris en regardant les cassettes, les écoles, tout ça. Mm-hmm. Je l'ai compris maintenant. Parce que les colons, leurs enfants, ils étaient en France, ils étaient à Marseille, ils étaient à Aix, ils étaient à Montpellier, ils étaient à Paris. Voilà. Les autres, ils étaient sur le banc d'école avec des instituteurs avec des petits moyens. Et je pense que c'est une erreur qu'on a commise. Et on les tenait, je pense qu'on les tenait assez illettrés. Oui, tout à fait. Pour qu'ils travaillent, pour qu'ils soient. Pour les maintenir. Pas se poser de questions, bien sûr. Parce que le vrai problème, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, il est parti des villes. Mm-mm. Il est parti des villes où il y avait des jeunes qui ont vu. Qui ont vu le standing de vie de nous, de des Français qui étaient là-bas, et ils ont dit, ras-le-bol. Voilà. Mm-hmm.